Soit on le fait, on le fait pas. Soit on le sait, on le sait pas. Soit on dit, on dit pas. Soit on le fait, on le fait pas. Soit on le fait, on dit, on le dit pas. Soit on le fait, on le fait pas. Bref, retour à la rue, 2 ans d'absence, j'ai eu le temps de faire le vide. L'amour de ma mi-femme a suffi pour me remplir le vide. De mon stylo et mon cœur, j'écris ma vie et mes rêves. Pensez à mes cousins, cousines qui vivent là-bas au bled. Si le disque d'or se trouve à Perpète, eh bien j'irai le chercher même à Pince. Chaque année j'ai fait le trajet, mais y a un truc qui coince. Parfois je m'évade de la cité, question de ressources, Paris, New York City. Manu n'a pas changé, même domicile, les mêmes passions. Disons que tout le monde s'y retrouve dans mes chansons. Rien à foutre des mecs qui critiquent le manuscrit. Plus tu parles gros et plus tu m'enrichis. Bref, 2000, beaucoup de choses m'ont changé dans ma vie. Grâce à l'envie, maintenant le plus dur c'est de rester en vie. La rue m'appelle, répond présent, on est en mission. Chacun sa mère, chacun ses raisons. Champion de l'underground dans le quartier, on se demande qui est la légende de notre époque. Je laisse mes empreintes sur 10 comme criminel sur un Glock. Et tout le monde s'envole, l'ancienne école a forcé l'antivol. La vie une folle histoire de fou, Manu tient encore signé pour le 2000. Soit on le fait, on le fait pas. Si je le fais c'est pour ma mi-femme. Soit on le sait, on le sait pas. La moindre erreur tirait ton carte. Soit on le dit, on le dit pas. Si tu le dis c'est tant pis pour toi. Soit on le fait, on le fait pas. Si je le fais c'est pour ma mi-femme. Soit on le sait, on le sait pas. La moindre erreur tirait ton carte. Soit on le dit, on le dit pas. Si tu le dis c'est tant pis pour toi. Soit on le fait, on le fait pas. Si je le fais c'est pour ma mi-femme. Soit on le sait, on le sait pas. Je suis aussi important que le président. Parce que du 9-4 je suis résident. Au microphone je suis militant et ça tout le temps. Écoute les textes qu'on véhicule. Pour eux je suis le petit négro voleur de véhicules. On a construit comme ouvrier fidèle à sa pioche. Entre nos histoires d'amour, drame, des balles qui ricochent. Originaire de la Guadeloupe, je viens de la ZUP, demande aux groupes qui me connaissent. Je rappe toujours pour les vrais, les faux, les bouffons, les petites connasses. Je connais pas de limite, je danse tant qu'il y a la musique. Encore en pratique, j'ai appris mafia et l'équipe. Je veux resserrer les liens, rassembler les miens en un groupe. Devenir riche dans le rap comme Donald Trump. À peine commencé, on veut déjà niquer ma carrière. Je referai surface même 10 ans en arrière. Écrit à la main en 2 ans, j'ai construit. Dans les vitres, a choisi pour toi le manuscrit. Ouais, le manuscrit. Soit on le fait, on le fait pas. Si je le fais, c'est pour ma mi-femme. Soit on le sait, on le sait pas. La moindre erreur tirait au carte plein. Soit on dit, on le dit pas. Si tu le dis, c'est tant pis pour toi. Soit on le fait, on le fait pas. Si je le fais, c'est pour ma mi-femme. Soit on le sait, on le sait pas. La moindre erreur tirait au carte plein. Soit on dit, on le dit pas. Si tu le dis, c'est tant pis pour toi. Soit on le fait, on le fait pas. Si je le fais, c'est pour ma mi-femme. Soit on le sait, on le sait pas. La moindre erreur tirait au carte plein. Soit on dit, on le dit pas. Si tu le dis, c'est tant pis pour toi. Soit on le fait, on le fait pas. Si je le fais, c'est pour ma mi-femme. Soit on le sait, on le sait pas. La moindre erreur tirait au carte plein. Soit on dit, on le dit pas. Si tu le dis, c'est tant pis pour toi. Soit on le fait, on le fait pas. Si je le fais, c'est pour ma mi-femme. Soit on sait pas, on sait pas. Soit on dit, on le dit pas. La moindre erreur tirait au carte plein. C'est le manuscrit. Si je le fais, c'est tant pis pour toi. Si tu le dis, ouais. DJ Mendy, DJ, écrit à la main. Pour on le sait, on le sait pas. C'est ce que je veux dire. Si tu le sais pas, tais-toi, tais-toi. MJ, tes disques d'or, quand tu rappes, pour tu dors, servir. Même tes disques d'or, quand tu rappes, tu dors, même tes disques d'or, quand tu rappes, tu dors, même tes disques d'or, quand tu rappes, tu dors, même tes disques d'or, quand tu rappes, tu dors, même tes disques d'or, quand tu rappes, tu dors, même tes disques d'or, quand tu rappes, tu dors, même tes disques d'or, quand tu rappes, tu dors.